Chapitre 10. Première journée dans le désert. Campement Kalmouk. Une rencontre dangereuse. Conquête d'une Tsatsa Kalmouk. Singulière hospitalité d'un colonel russe. Source du Manitch. Dernière nuit passée sous la tente. De retour à Windhoek, nous trouvâmes le maître de poste dans des transes plus vives encore que celles où l'avait jeté, lors de notre départ, la mésaventure des marchands arméniens. Pendant notre absence, un de ces postillons avait été arrêté à deux verstes, au plus de la poste, par quelques Turcomans qui, après l'avoir dépouillé de sa peau de mouton et de son tabac, l'avaient accablé de coups et laissé à moitié mort, emmenant avec eux les trois chevaux qu'ils reconduisaient à la station. Mais, chose étrange, le jour même de notre arrivée, les trois chevaux volés rentrèrent tranquillement à l'écurie, comme s'il ne se fût rien passé d'extraordinaire. Cela prouvait du moins que les voleurs n'étaient pas fort rassurés et qu'ils aimaient mieux perdre le fruit de leur vol que de s'exposer à la poursuite de nos Cosaques. Quoique de pareilles histoires fussent de nature à nous donner quelques craintes pour nous-mêmes, nous n'en partîmes pas moins de bonne heure le lendemain, abandonnant complètement la ligne de poste que nous avions suivie jusqu'alors pour nous enfoncer dans les steppes avec une faible escorte très insuffisante si quelque danger sérieux venait à nous menacer. Mon mari, qui avait déjà commencé ses travaux de nivellement sur le bord de la mer Caspienne, reprit ses opérations à partir de la station de Windhoek. Ayant une opération à faire toutes les 10 minutes, il allait à pied, ainsi que les Cosaques et les Kalmouks qui portaient les instruments et mesuraient les distances. Tous les hommes étaient ainsi occupés, à l'exception des chameliers et de l'officier qui s'amusait de temps en temps à lâcher son faucon sur quelques troupes de canards aux doigts sauvages. Cette chasse, outre ses avantages gastronomiques, me rendait encore le service de varier la monotonie d'une marche traînante à travers le désert où, le plus souvent, je n'avais d'autre ressource que celle d'étudier l'allure grotesque des trois chameaux remorquant la britchka et de suivre, dans leurs évolutions capricieuses, les escadrons d'oiseaux qui se réunissaient déjà pour commencer leur émigration d'automne. Cependant, l'impression que me laissa cette première journée ne me fit pas envisager, avec trop d'effroi, la perspective de passer plusieurs semaines aérées en vrai Kalmouk à travers le steppe. La nouveauté des sensations, le plaisir réel d'échapper pour quelque temps au cercle d'habitudes réglées formant le fond de notre civilisation, éloignait de ma pensée tout ce qui aurait pu jeter quelques défaveurs sur une semblable existence. C'était un échantillon de cette vie mêlée à la nature qui n'est plus possible dans nos pays surchargés de population. Et malgré mes préventions, les mœurs nomades ne me semblaient plus aussi absurdes et aussi ennuyeuses que je me l'étais imaginé. Une grande sérénité, empruntée au calme et à l'immensité qui nous entourait, domina mon esprit tout en le défendant contre les craintes qu'avaient pu me laisser les derniers événements arrivés à Windhoek. Les idées de désordre et de violence ne saurait s'accorder avec la simplicité de l'existence pastorale. C'est au milieu de nos villes, des intérêts et des passions qui s'y agitent sans cesse que l'homme se pervertit et devient le plus grand ennemi de son semblable. Mais dans ces steppes où les besoins sont si bornés, si faciles à satisfaire, où la nature agit d'une manière bien plus efficace qu'ailleurs sur le caractère et les habitudes, il est difficile de supposer que l'instinct du mal puisse exister et se propager chez des individus pour qui il serait à peu près inutile. La première halte eut lieu vers le milieu du jour. Elle n'arrivait pas trop tôt pour nos Cosaques, gens peu habitués aux longues promenades à pied. Ils s'empressèrent d'allumer un grand feu, tandis que les chameliers dressaient la tente et organisaient le campement dans toutes les règles. Le soleil avait reparu, plus ardent qu'il n'avait encore été, comme il arrive d'ordinaire après un violent orage. Le sol nu et brûlé, la sécheresse extraordinaire de l'air, jointe à la pluie de feu qui tombait perpendiculairement sur nos têtes et semblait vouloir enflammer la terre elle-même, avait à la fois énervé notre esprit et nos sens. À peine pouvions-nous donner quelque attention au tableau pittoresque que présentait notre halte dans ce désert sur lequel nous paraissions régner en maîtres absolus. Et pourtant, la chose en valait la peine. La britchka, débarrassée de ses chameaux et de ses coffres, était placée à quelques pas de la tente où l'on avait entassé des portefeuilles, des coussins, des cassettes, formant sur le tapis un capricieux pêle-mêle qu'un peintre n'eût certes pas dédaigné. Pendant que nous prenions le thé, les hommes s'occupaient des apprêts du dîner, les uns plumant une magnifique oie sauvage et une demi-douzaine de courlis dus à la chasse providentielle du faucon, d'autres entretenant le feu autour duquel étaient rangées deux ou trois marmites pour le pilau et la soupe au lard dont les Cosaques sont très friands. Antoine, un baril d'eau-de-vie à la main, distribuait à chacun le petit verre obligé avec autant de gravité qu'en apporte dans ses fonctions le plus grave des majordomes allemands. Quant à l'officier, couché sous la britchka pour jouir d'un peu d'ombre, il s'amusait avec son faucon qu'il avait débarrassé du capuchon après l'avoir attaché à la voiture par une forte ficelle. Quoique les yeux étincelants de l'oiseau furent sans cesse en quête d'une proie, les caresses de son maître semblaient cependant lui faire plaisir, à en juger par le battement continuel de ses ailes. Les chameaux, heureux d'être libres, broutaient l'herbe à quelque distance, contribuant par leur présence à donner un aspect oriental à notre début dans la vie sauvage, où je figurais moi-même sous mon chapeau à larges ailes, vêtu comme d'ordinaire d'un ample pantalon et d'une tunique gauloise retenue autour de ma taille par une ceinture de cuir. À force de nous étonner de tout, notre étonnement finit par s'épuiser et nous nous crûmes définitivement naturalisés kalmouks. Lorsque nous avions interrompu notre marche, les dernières kibitkas avaient déjà disparu de l'horizon depuis plus de 3 heures. Nous étions absolument seuls sur toute la surface de l'immense plaine. Aucun vestige de vie ne venait nous avertir que d'autres hommes avaient campé où nous étions. Le steppe est comme la mer, il ne garde nulle trace de ceux qui le traversent. À 2 heures, M. de Hell donna le signal du départ. Aussitôt, la tente se plie, les chameaux s'agenouillent pour recevoir leur charge. L'officier remonte en selle, son faucon sur le point. Et me voilà de nouveau seul dans la voiture, suivant lentement la petite troupe qui recommence ses opérations. Ma première nuit sous la tente vint me prouver que je n'étais pas encore aussi acclimaté au steppe que j'en avais eu la vanité de le croire. Ce cône de feutre sous lequel je devais dormir, ces kalmouks s'agitant autour du feu, les chameaux jetant leurs cris plaintifs dans l'immensité du désert, tout était tellement en contradiction avec mes souvenirs, mes idées et mes habitudes que j'avais peine à ne pas me croire le jouet d'une de ces hallucinations que donne l'opium. Nous passâmes une partie de la nuit assis devant la tente sans que le besoin du sommeil vînt troubler la fantasmagorie de nos rêves. La lune, plus large et plus éclatante qu'on ne la voit jamais dans l'Occident, éclairait tout le ciel et une partie du steppe, laissant derrière elle une traînée lumineuse semblable au sillon que trace le navire sur la mer. Un silence absolu régnait dans l'air et produisait sur nos sens un effet qui ne peut se décrire. À peine osions-nous l'interrompre, tant il paraissait solennel, en pleine harmonie avec la grandeur infinie du désert. En vain chercherait-on un calme aussi complet, même dans les solitudes les plus reculées de nos contrées. Partout frémit quelques sources, partout frissonnent quelques arbres, partout on entend murmurer, dans le silence des nuits, quelques voix qui servent de point d'arrêt à la pensée. Mais ici, la nature est comme pétrifiée, et l'on a devant soi l'image de ce repos éternel que l'esprit peut à peine concevoir. Jamais je n'ai senti éclore dans mon cerveau autant d'idées poétiques que dans ces nuits passées dans le désert où mon âme était absorbée par une unique sensation. Nous marchâmes plusieurs jours sans rencontrer un seul être vivant, ce à quoi nous nous attendions, sachant que cette partie des steppes n'est habitée que pendant l'hiver, par suite de son manque absolu d'eau douce, dans la belle saison. Néanmoins, à la fin du quatrième jour, nous distinguâmes un point noir qui se mouvait à l'horizon. Aussitôt, l'officier de partir ventre à terre pour faire une reconnaissance, agitant en même temps son bonnet en l'air en signe de commandement, signe qui fut promptement aperçu, car nous vîmes aussitôt se diriger vers nous un Kalmouk monté sur son chameau. En cette occasion, nous eûmes la preuve combien il faut peu de choses aux hommes primitifs pour les amuser. Un incident d'aussi peu d'importance prit sur le champ des proportions extraordinaires, car on ne peut se figurer combien les peuples nomades sont avides de nouvelles et avec quelle rapidité le moindre événement se propage d'une tribu à l'autre. Le nouveau venu, salué avec de vrais cris de joie, nous apprit qu'on était déjà informé partout de notre passage dans les steppes et que nous rencontrerions bientôt un campement de Kalmouks venu exprès de ce côté pour nous voir. La présence de cet homme mit toute l'escorte en gaieté. Jaloux de fêter dignement son arrivée, nos Kalmouks nous députèrent, Antoine, pour obtenir double ration d'eau-de-vie. Ils passèrent toute la soirée autour du feu de Kirbitch à fumer leur tchibouk et à se raconter des histoires. Aussi graves et aussi captivés par leur conversation que des pasteurs arabes. Le lendemain, avant le lever du soleil, la petite caravane était déjà en mouvement. Le Kalmouk prit seul la route de Kisliar, où il se rendait pour la foire, et nous nous acheminâmes du côté opposé, suivant la ligne invisible que la science nous traçait à travers le désert et qui devait nous conduire ainsi jusqu'aux sources du Manitch. Durant cette manité, j'eus la sotte fantaisie de faire une première promenade à dos de chameau, malgré la malheureuse tentative du drogman, et je jurais bien comme lui que l'on ne m'y reprendrait plus. Décidément, le chameau est la monture la plus détestable du monde. Depuis le moment où l'on se place sur ses épaules jusqu'à celui où l'on descend de ce perchoir homicide, on essuie sans intermittence une suite de secousses si rudes et si imprévues que le corps en est entièrement disloqué. Quoique mon épreuve se fût bornée à un trajet de 2 verstes tout au plus, j'étais entièrement brisée quand on me descendit à terre. Un peu plus tard, je fus à même d'observer un curieux effet du caractère vindicatif de ces rudes trotteurs. On sait que le chameau possède la faculté de ruminer les aliments déjà engloutis dans un de ses estomacs et qu'il s'octroie assez volontiers ce plaisir lorsqu'il n'a rien à manger. Mais ce qu'on ignore peut-être, c'est qu'il a assez de malice pour faire, dans l'occasion de sa prérogative, un moyen de vengeance aussi extraordinaire qu'ingénieux. Je m'étais aperçu dès le matin qu'un de nos chameliers paraissait être en assez mauvaise intelligence avec sa bête. En vain tâchait-il de s'en rendre maître par la douleur, en tirant avec force la corde qui traversait la narine de l'animal. Celui-ci s'entêtait et se jetait à chaque instant à terre en signe de rébellion. Le Kalmouk, irrité de cette lutte, profita d'une halte générale pour mettre pied à terre et châtiller d'importance le récalcitrant. Mais le chameau, élevant son grand cou en signe de dédain, suivait d'un œil si malicieux tous les mouvements de son tyran que sans nul doute certains projets de vengeance roulaient dans sa tête. En effet, il attendit paisiblement que le Kalmouk fût en face de lui. Puis alors, ouvrant sa grande bouche, il en fit sortir une double fusée d'herbes hachées, mêlée de bave et de toutes sortes de saletés, qui atteignit en plein le visage du pauvre chamelier. Exprimer l'air de vengeance satisfaite avec lequel le chameau releva son cou et promena sa tête de côté et d'autre comme pour quêter des applaudissements serait vraiment chose impossible. Ce qui m'étonna le plus dans l'aventure, ce fut de voir la modération de son maître après un pareil outrage. Il s'essuya avec beaucoup de sang-froid, remonta en selle et caressa le cou de sa bête mal apprise comme s'il en avait reçu la gentillesse la plus flatteuse. Alors le bon accord se rétablit entre eux et ils cheminèrent paisiblement sans songer davantage à ce qui venait de se passer. Par un rare bonheur, aucun insecte malfaisant ne se trouve dans les steppes qui séparent la Caspienne du Caucase. Comme bien on le pense, ce fut seulement lorsque j'en eus acquis l'entière certitude que je pus dormir avec tranquillité. Notre tente, en feutre comme celle des Kalmouks, avait tout au plus 5 pieds de haut sur autant de large. Elle était soutenue sur un faisceau de bâtons réunis à leur extrémité par une corde. L'intérieur, garni d'un tapis et de coussins placés sur le sol nu, contenait en outre nos portefeuilles et quelques coffres de la brichka. Un pan du feutre relevé de côté formait la porte. Nous ne pouvions nous tenir qu'agenouillés dans ce réduit, qui allait en se retrécissant jusqu'en haut. Telle fut notre demeure pendant près de 6 semaines, et je puis dire qu'en dépit de la dureté du sol qui nous servait de lit et l'étrangeté de la situation, je n'ai jamais dormi d'un aussi bon sommeil qu'alors. Rien n'est meilleur pour la santé qu'une existence en plein air. L'appétit, le sommeil, l'inaltérable sérénité d'esprit, la libre circulation du sang attestent suffisamment son heureuse influence sur l'organisation humaine. Je doute que la plupart des affections organiques puissent tenir contre 2 ou 3 mois consacrés à une excursion de la nature de celle que nous accomplissions. Ainsi que le Kalmouk nous l'avait prédit, nous arrivâmes sur le soir au milieu d'un campement composé d'une 20aine de tentes. Tous les hommes vinrent à notre rencontre et dételèrent la brichka sans vouloir permettre à l'escorte de s'en mêler. Puis, après avoir planté notre tente à quelque distance des leurs, au pied d'un tumulus, ils se mirent à danser avec leurs femmes en signe de réjouissance. L'une de ces dernières pria à genoux mon mari de lui donner un peu de tabac et devint, en l'obtenant, un objet d'envie pour ses compagnes devant lesquelles elle s'empressa de l'étaler et de le fumer. Lorsque la nuit fut tombée, le campement s'illumina de plusieurs feux qui donnèrent encore plus d'originalité à l'aspect de toutes ces kibitkas autour desquelles Kalmouk et Cosaque sautaient à l'envi avec une fougue et une gaieté dont l'honneur revenait en partie à une distribution extraordinaire de vivres et d'eau-de-vie. Les femmes vinrent à leur tour prendre part à la fête et plusieurs d'entre elles, se rangeant en cercle, dansèrent de la même manière que les dames d'honneur de la princesse Tumène. Mais toutes me parurent fort laides, quoiqu'il y en eût parmi elles de très jeunes. 2 jours plus tard, nous arrivâmes au bord d'un étang où nous nous arrangeâmes pour passer la nuit. La vue de cette eau et des milliers d'oiseaux qui la couvraient nous causa un véritable plaisir. Il fallait si peu de choses dans une vie semblable pour faire événement et occuper l'imagination. Toute cette soirée fut employée à chasser au fusil et au faucon, à prendre des bains et à faire plusieurs fois le tour de la mare. Pour ma part, je ne pouvais assez m'extasier devant cette boue saumâtre et la forêt de roseaux qui l'entourait. Aucun paysage des Alpes et du Tyrol n'a peut-être été salué avec tant d'enthousiasme. C'est que, depuis 15 jours, je n'avais aperçu qu'un sol aride, grisâtre, où mes yeux cherchaient vainement un point de repère pour se reposer. À partir de cet étang, le steppe changea d'aspect. L'eau fut moins rare, la végétation moins brûlée. Nous rencontrâmes de temps à autre des troupeaux de plus de 500 chameaux qui broutaient en liberté une herbe courte et épaisse. Parmi ces enfants du désert, quelques-uns étaient d'une taille gigantesque. Rien ne peut se comparer à l'étonnement qu'ils manifestaient en nous voyant passer. À peine nous apercevaient-ils qu'ils accouraient en toute hâte de notre côté pour rester immobiles, la tête tournée vers notre cavalcade jusqu'à ce que la distance les empêchât de nous distinguer plus longtemps. 3 semaines après notre départ de Widouk, l'eau douce que nous avions emportée dans plusieurs barils était complètement épuisée. Force fut de recourir à l'eau saumâtre pour faire cuire les aliments. Cette modification dans notre cuisine ne dura heureusement que quelques jours, mais l'essai était plus que suffisant pour m'inspirer une profonde répugnance à l'endroit des mets ainsi préparés. Leur goût était si désagréable que l'empire d'une longue habitude et surtout de la nécessité peut seul en faire comprendre l'usage ordinaire. Les Kalmouks et les Cosaques ne se servent pourtant que de cette eau pendant une grande partie de l'année. Ce même jour, nous fîmes une rencontre des plus singulières et qui manqua de devenir tragique. Un peu avant de camper, nous vîmes arriver de loin une immense file de petites voitures que nos Kalmouks reconnurent comme appartement à des Turcomans, gens fort peu estimés dans ce pays en raison de leur caractère querelleur et brutal. Tout ce qui se passe d'extraordinaire dans les steppes est mis sur leur compte, et ils sont sans cesse en guerre avec les Cosaques, auxquels ils taillent plus de besogne que toutes les autres tribus ensemble. Cette petite explication donnée, je reviens à notre aventure à laquelle je ne pense pas encore sans frissonner, non en raison de ce qu'elle a été, mais en raison de ce qu'elle pouvait devenir. Chacune des petites voitures composant la procession qui s'avançait de notre côté était attelée de 2 bœufs et escortée d'un Turcoman. À mesure que nous approchions, une agitation devenant de plus en plus inquiétante se faisait remarquer dans le convoi. Et tout à coup, les bœufs, comme possédés de l'esprit malin, manifestèrent une violente terreur, se jetant les uns sur les autres pour fuir au plus vite, renversant et brisant les voitures chargées de sel sans que la voix et les coups de leur guide parvinssent à les rendre à la raison. Au bout de quelques minutes seulement, nous eûmes l'explication d'un pareil événement et pûmes comprendre le motif des injures et de la colère dont tous les Turcomans accablaient notre escorte. Les chameliers étaient les vrais coupables dans cette affaire. Sachant par expérience combien les chevaux et les bœufs s'effraient à l'aspect d'un chameau, au lieu de risquer d'attirer sur nous la colère de ces farouches charretiers, ils auraient dû s'éloigner de la ligne que suivait le cortège. Le moment qui suivit la catastrophe fut réellement critique. Tous ces hommes, regardant d'un air rébarbatif leur voiture brisée et le sel qui jonchait le sol, semblaient, à en juger, par leur pantomime menaçante et leur bruyante clameur, agiter entre eux s'ils nous attaquaient ou non. Un seul geste imprudent pouvait nous perdre, car ils étaient plus de 50 et de larges coutelas brillaient à leur ceinture. Mais l'attitude digne et courageuse de l'escorte finit par les calmer. Loin de répondre aux démonstrations hostiles qui leur étaient adressées, nos hommes se mirent à l'œuvre pour réparer le dégât, et bientôt les Turcomans suivirent leur exemple. Bref, en moins d'une heure, tout était rentré dans l'ordre et cette scène de confusion se termina d'une façon tout autre qu'on ne pouvait d'abord l'espérer. Chacun ne songea plus qu'au côté plaisant de l'aventure. De bruyants éclats de rire succédèrent à l'irritation qui aurait pu avoir de si terribles résultats. Pour sceller la réconciliation entre les deux camps, mon mari fit faire une distribution d'eau-de-vie et cela acheva de nous gagner le cœur de ces hommes prêts à nous assassiner quelques instants auparavant. À mesure que je m'accoutumais au calme et à la grandeur du désert, j'arrivais à comprendre l'amour passionné du Kalmouk pour les steppes et sa kibitka. Si le bonheur est réellement dans la liberté, nul ne peut se dire plus heureux que lui. Habitué à voir s'étendre devant ses yeux un horizon sans bornes, à ne subir aucune entrave, à planter sa tente où son caprice le conduit, on conçoit que, hors de sa solitude, il se trouve emprisonné, étouffé, étreint dans un cercle de fer et qu'il aime mieux se donner la mort que de se résigner à vivre dans l'exil. Pendant notre séjour à Astrakhan, tout le monde s'entretenait d'un événement récent qui servit à nous prouver combien l'amour du sol a de puissance sur ces hommes primitifs. Un chef kalmouk, rival d'un cosaque, tua ce dernier dans un accès de jalousie et, sans essayer de fuir pour échapper au châtiment qui l'attendait, augmenta encore la gravité de son crime en tenant tête à un détachement envoyé pour l'arrêter. Plusieurs de ses serviteurs l'aidèrent dans sa rébellion, mais le nombre l'emporta. Tous furent faits prisonniers et conduits provisoirement dans un fort pour y rester jusqu'à ce que leur jugement fût prononcé. Au bout d'un mois, arriva l'ordre de les diriger sur la Sibérie. Mais les trois quarts des captifs n'existaient déjà plus. Les uns étaient morts par suite de leurs blessures, les autres, trompant la surveillance de leurs gardiens, s'étaient tués. Quant au chef, les mesures les plus rigoureuses l'avaient empêché de faire aucune tentative contre sa vie. Mais son silence obstiné, la profonde altération de ses traits et son air farouche prouvaient éloquemment son désespoir et son désir d'échapper à l'exil par une catastrophe. Lorsqu'il eut été placé dans le chariot de poste qui devait l'emmener en Sibérie, avec deux compagnons d'exil, on permit à quelques kalmouks de s'approcher de lui pour le dernier adieu. « Que pouvons-nous faire pour toi ?» lui disent-ils à voix basse. « Vous le savez !» fut la seule réponse du chef. Aussitôt, un des kalmouks tire un pistolet de sa poche et, avant qu'on ait eu le temps d'intervenir, lui fait sauter la cervelle. Le regard des deux autres prisonniers rayonnèrent de joie. « Merci pour lui, » dirent-ils avec enthousiasme. « Quant à nous, jamais nous ne verrons la Sibérie. » Je n'ai pas encore parlé des Satsa, Kalmouk et du désir que nous avions de faire connaissance avec elle. Cependant, c'était une de mes plus grandes préoccupations depuis le moment où nous nous étions enfoncés dans le désert. Sans cesse, mes regards interrogeaient l'horizon dans l'espoir de découvrir un de ces mystérieux tombeaux dont les Kalmouks se tiennent toujours éloignés pour ne pas les profaner par leur présence et qui, sous le nom de Satsa, contiennent les reliques des grands prêtres. Quand l'un de ceux-ci meurt, son corps est brûlé et l'on dépose en grande pompe ses cendres dans le mausolée destiné à les recevoir, avec une quantité d'images sacrées qui sont autant de bons génies placés là pour veiller éternellement sur la poussière du saint personnage. À notre départ d'Astrakhan, stimulée par tout ce que nous avait raconté à leur sujet la princesse Dolgoruki, nous nous étions bien promis d'aller à la conquête de l'un d'eux, et dans cette intention, nous avions pris tous les renseignements relatifs à ces Satsa afin de profiter de notre passage dans les steppes pour en dévaliser une, si faire se pouvait. Mais la susceptibilité religieuse de nos kalmouks, nous ayant jusqu'alors empêchés de faire la moindre recherche, nous finîmes par laisser au hasard le soin de nous ménager quelque heureuse rencontre. Ce fut dans le voisinage de Selenoï Soustava que nous eûmes pour la première fois la satisfaction d'apercevoir dans l'éloignement un de ces mystérieux monuments. Grande fut notre joie, malgré la difficulté de nous en approcher et de tromper l'active surveillance des chameliers. Que dis-je, des obstacles à vaincre étaient un plaisir pour nous. Il y avait des précautions à prendre, du mystère à garder, de l'inconnu en jeu. Que de raisons pour jeter sur la Satsa un intérêt presque fiévreux et rompre d'une manière imprévue la monotonie qui pesait sur nous depuis tant de jours. Aussi, tout fut-il calculé avec une prudence extrême pour que rien ne vînt déranger nos projets. Nous nous arrêtâmes pour le déjeuner à une distance raisonnable du petit temple, afin que nos chameliers ne conçussent aucun soupçon. Pendant le repas, Antoine et l'officier, qui avaient déjà reçu leurs instructions, eurent le soin de dire que nous comptions poursuivre quelques hérons blancs avant de nous remettre en route. Les Kalmouks, qui n'ignoraient pas le prix que nous attachions à ces oiseaux, trouvèrent la chose toute naturelle et se réjouirent de la circonstance dont ils se promirent de profiter pour faire un plus long somme. Fin de la première partie du 10e chapitre.